succès, puisque on va partir. Effectivement, juste une réflexion avant de donner la parole à Philippe et puis Nicolas continuera, je suppose. Oui, il y a sans doute une réduction du récit dans tout ça, et il faut bien imaginer que, et c'est sans doute ça le pire, c'est que cette réduction du récit est une réduction du récit culturel, du récit social, du récit expérimental, d'expérience politique, etc. C'est-à-dire que avec cela, Roméo et Juliette n'auraient jamais été possible. Et imaginons que Roméo et Juliette n'existent pas, c'est tout un versant de notre culture qui s'écroule. Ça, faut bien le comprendre. Et donc, effectivement, à ce niveau-là, ton intervention est totalement essentielle. Et sans doute qu'elle va pouvoir rejoindre en partie, je pense. En tous les cas, sans doute est-ce une bonne introduction à l'intervention de Philippe, qui va intervenir sur enfance et culture numérique, et donc qui va nous renvoyer sans doute au possible que nous a décrit un peu tristement notre ami Renaud. Effectivement, la culture numérique de l'enfance risque de nous mener à ce type d'action après, c'est-à-dire de recherche de l'autre de manière rationnelle sur Internet. Voilà. C'est mieux que la moque, mais est-ce que ce n'est pas le début de la moque et la fin de l'amour? Voilà. Qui sait? Je ne sais pas. On va voir. Avant de commencer, donc, je remercie les sympathiques organisateurs de cette réunion, n'est-ce pas, ainsi que le CFPS, l'École de l'éducation en sciences sociales. Et puis il faut que je dise d'ailleurs, je pense qu'il faut que je commence par là, il faut que je dise le lieu d'où je parle, parce que n'étant pas universitaire, n'ayant aucun diplôme, ayant même. La question c'est peut-être un accent foot, d'ailleurs tout le monde, et moi aussi je suis premièrement foot, je m'en foutais tellement que j'ai arrêté mes études radicalement, et ça veut dire que le lieu d'où je parle, c'est pas un lieu qui va se nourrir d'Adorno ou d'Horkheimer, pour le coup, c'est clair. Il va se nourrir de certaines lectures quand même, heureusement, et puis aussi de Kumba ou de Kersi, qui sont des élèves de REP, plus de Montbéliard ou de Besançon. Et puis donc, du coup, j'ai une vision des choses qui est quand même très marquée par le contexte à chaque fois, et un contexte qui est un contexte tel que je vois ou je le découvre, ou j'essaie de le comprendre dans les interactions directes avec les jeunes. Ce qui fait que pour moi, par exemple, je ne suis pas sûr du tout qu'aujourd'hui, on puisse affirmer de but en blanc qu'on est dans une crise, dans la mesure où il est quand même évident que le système, depuis le temps qu'il ne marche pas, d'après notre vision à nous, eh ben, il marche. Ce qui veut donc dire que finalement, à l'âge adulte, pour les adultes, il y a bel et bien pas crise, puisque finalement, quand on est passé au million de chômeurs, on a dit que le jour où il y aura 1 million de chômeurs, on se pille la révolution. Après, quand ça arrive à 1 million, on a dit quand il y en aura 3 millions, ça sera la révolution. Maintenant, il y en a 5 officiellement, 10 en réalité, et il n'y a toujours rien qui se passe. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il y a une crise. Il y a d'autant moins de crise, d'ailleurs, ce n'est pas une nouveauté, ce n'est pas une découverte. Si on pense à 1984 de Orwell, ce qui est assez bizarre, c'est que quand on lit des analyses d'Orwell, notamment celles qu'on fournit aux jeunes dans les collèges et les lycées, enfin surtout dans les lycées, parce que certains lycées, il y a des profs qui fournissent 1984, c'est toujours le même truc, c'est toujours la guerre, c'est la paix, etc. On voit toujours que les médias, le pouvoir ment. En réalité, la phrase qui est vraiment importante dans 1984, c'est la dernière. La dernière, c'est « il aimait Big Brother ». C'est ça bien la question qu'on va se poser. Après, Orwell n'a pas eu le temps de répondre à la question qu'il posait, et puis on sait que la réponse avait déjà été donnée par Marcus, allait être donnée par Marcus après, mais elle avait été déjà donnée par la Boétie quelques siècles auparavant. Mais c'est ça la phrase qui est importante, il aimait Big Brother. Donc si les gens aiment Big Brother, si les gens vont sur des sites de rencontres dites amoureuses, à ce moment-là, on est bien obligé de constater que pour les gens qui sont devenus adultes, le système fonctionne, et que le système leur fournit bien. Donc il faut bien qu'on se pose un autre point de vue pour arriver à poser une critique. Et précisément, c'était ça l'objet de... je me suis beaucoup posé de questions par rapport à ce que je devais dire là, ou ce que je pouvais dire là. Et puis jusqu'au moment, d'ailleurs je ne savais franchement pas quoi dire, jusqu'au moment où j'ai vu que c'était intitulé de l'expansion des big data à la disparition du fil de fibre. Donc finalement c'est ça qui m'a donner la fenêtre de tir, et donc effectivement parler en partie du jeu de vie, c'est-à-dire partir du jeu de vie. Et alors, si je parle du jeu de vie, ça veut donc dire que je ne vais pas considérer le point de vue des adultes, mais que je vais considérer finalement le point de vue des enfants. Même si c'est un petit peu, peut-être pas super correct, c'est peut-être pas super correct d'un point de vue scientifique, parce que je suis, enfin, a priori je ne suis plus un enfant, justement c'est quelque chose qui se discute. Et du coup, ça veut dire aussi que politiquement, puisqu'il me semble que c'est un problème politique dont on parle là, les enjeux politiques, aujourd'hui, ils deviennent, ou ils sont, parce que c'est où ils restent, ils deviennent nettement, ou ils sont plutôt nettement pédagogiques. Alors évidemment, les enjeux politiques ne sont pas seulement pédagogiques, en tout cas les enjeux pédagogiques sont très, très nettement politiques, ça c'est sûr. Et puis, ce qui est dommage, et je pense que c'est peut-être ça qui s'est passé dans les années... la différence entre les années 68-78 et puis celles qu'on suivit 78, surtout à partir de 81, c'est peut-être que les gens qui prétendaient changer quelque chose dans ce monde ont complètement oublié qu'il y avait une dimension dans la révolution qu'ils appelaient leur vœu, c'est qu'on ne pouvait pas cesser de croire au grand soir, on ne pouvait pas cesser de croire au grand soir si, dans le même temps, on ne s'occupait pas précisément de faire de la pédagogie et de s'occuper de ceux qui venaient derrière, qui allaient arriver après nous. Parce que soit c'est le grand soir, et puis si c'est le grand soir, et hop, tout va être modifié. Bon, si on s'aperçoit que ça ne marche pas, et à partir de 81, il y a un paquet de gens qui se sont aperçus que ça ne marcherait pas, et à ce moment-là, il fallait se replacer dans une dimension temporelle, et ce qui n'est malheureusement pas le cas. Ce qui n'a pas été le cas, ce qui n'est pas le cas jusque-là. Alors, donc, le thème, c'est, moi, c'est l'enfance et culture numérique. Je me suis aussi posé la question de la définition de tous ces mots. Alors, culture numérique, je ne le définirai pas. Parce que je me suis dit que si je commençais par définir qu'est-ce que c'était que la culture numérique, j'en finirais pas. C'était pas une demi-heure qu'il fallait, c'était je ne sais pas combien. Et puis que ça n'avait pas tellement de sens finalement. Alors, numérique, ça, on peut toujours le définir. Hein. Numérique, c'est tout ce qui relève du web. Ça, c'est pas bien compliqué. Mais le mot culture, soit c'est une culture, soit c'est des marchandises culturelles, soit c'est un oxymore, soit c'est une culture émancipatrice, à ce moment-là c'est un pléonasme. Donc je vais faire comme le disait, comme j'ai vu que Karl Popper autorisait tout à fait à ne pas définir les mots, et bien donc, allons-y, je définirai. Surtout pas le mot culture numérique. Voilà. Par contre, enfance, ça, c'est très important de dire qu'est-ce que j'entends par là, parce que ça, je peux vraiment parler complètement dans le vide. Et donc, je prendrai enfance dans un sens très précis. Là, je dirais juste que l'enfant, c'est celui qui n'est pas pubère. Voilà. Pour éviter de parler de l'infantilisation des adultes et de l'adultisation des enfants, ce qui serait une autre intervention. Donc, je le prendrai uniquement dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire que je pense que la bonne définition du mot enfant dans notre société, ce soit non-pubère. Mais c'est juste que là, pour parler de ça, je parlerai des non-pubères. Ensuite, toujours sur l'enfant, et avant de parler du jeu de vivre, toujours sur l'enfant, c'est pas parce que l'enfant est hétéronome, très nettement hétéronome socialement et économiquement, ça c'est absolument évident, qu'il est hétéronome intellectuellement et culturellement. C'est même exactement l'inverse. En réalité, c'est là qu'il y a le problème. C'est-à-dire que l'enfant, quand il naît et il est autonome intellectuellement et il est autonome culturellement. Eh bien, l'enfant, quand il naît, c'est exactement ça le problème. Et c'est un truc, je ne sais pas si Hannah Arendt, elle a vraiment compris quand elle disait que le monde adulte ne voulait pas être balayé par les générations, par les nouvelles générations qui déferlaient sur lui constamment. Je ne sais pas si elle avait vraiment envisagé cette dimension, parce qu'elle était tellement marquée par cette histoire des jeunes qui avaient suivi Hitler. Mais le vrai enjeu dans cette histoire de culture numérique et de savoir si ça va être quelque chose d'émancipateur ou quelque chose d'aliénant, c'est précisément parce que les enfants, quand ils naissent, et jusqu'à un âge avancé pour certains d'entre eux, jusqu'à 90 ans, 95 ans, 115 ans, sans cela, la plupart sont enfants. Les enfants, donc, sont précisément autonomes intellectuellement et culturellement. Et le but de l'école, ça va être de leur ôter leur autonomie pour les faire entrer dans l'hétéronomie, c'est très net. Le but des jouets, ça va être de leur ôter leur autonomie pour les faire entrer, là encore, dans l'hétéronomie, et ainsi de suite. Donc, le jeu de vivre, c'est... Alors, effectivement, il y a le Winnicott, hein, cette distinction qu'il fait entre le play et puis le gaming. Le jeu de vivre, il me semble qu'en français, en tout cas, c'est une expression qui est due à l'ethnologue Robert Jolin, dans un bouquin qui s'appelle « Mon Thibault, le jeu de vivre ». Le jeu de vivre, en réalité, c'est donc un enfant qui découvre, qu'il découvre la vie, qui accomplit son travail de sujet, donc qui accomplit sa tâche d'enfant, c'est-à-dire qui grandit à travers le jeu. C'est-à-dire que c'est à travers le jeu que l'enfant vit pleinement. Le jeu étant bien entendu le jeu comme dépassant complètement l'idée qu'on peut se faire, une fois qu'on est devenu hétéronome, l'idée qu'on peut se faire du jeu, est bien évident qu'au départ, c'est pas ça du tout. Le jeu, c'est beaucoup plus que ça. Donc Jolin parle d'alliance avec l'univers, et effectivement, le jeu, c'est une alliance avec l'univers dans le sens de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il s'aperçoit bien qu'il naît dans un certain contexte. Ce contexte, il faut qu'il fasse alliance avec ce contexte. De toute façon, quand il est nourrisson, il est obligé de faire alliance avec ce contexte. Il n'a pas le choix, parce que, comme vous savez, si on laisse un nourrisson tout seul, il meurt. Et les nourrissons, les humains sont bien les animaux les plus marqués par cette douleur. Quoi. Ils sont absolument obligés de faire alliance avec l'univers. Et cette alliance avec l'univers, ils vont la peaufiner au fur et à mesure de leur développement à travers le jeu. Ça, c'est quelque chose de très très net. Mais pas n'importe quel jeu. Ça va être un jeu dans lequel c'est eux-mêmes qui vont fixer les règles. Et en fixant les règles de ce jeu, donc que ce soit un jeu avec un bout de ficelle, un jeu comme ci, que ce soit un jeu avec des cubes que je les empile comme ça, etc. En fixant les règles de ce jeu, non seulement ils s'inscrivent donc dans un univers et construisent cet univers, mais en plus ils construisent aussi la dialectique entre leur liberté et l'univers dans lequel ils sont. C'est-à-dire qu'ils comprennent parfaitement, jusqu'à ce moment-là, et même au-delà, mais ils comprennent parfaitement que leur liberté, elle est non pas limitée, ça n'a aucun sens, savoir si la liberté est limitée ou illimitée. Simplement, la liberté, c'est une relation dialectique avec leur univers et avec les autres. Quand le nourrisson grandit, quand il a 2 ans, 3 ans, il commence à jouer avec d'autres enfants, là c'est pareil, on voit que ça se complexifie, et ça se complexifie au point que le jeu devient là encore une alliance avec l'univers, et là très clairement avec l'univers des autres. 2 ou 3 enfants qui commencent à jouer ensemble, ils sont en train non seulement de faire alliance avec l'univers, mais ils sont en train, comme l'a dit Ronan juste avant, créer un monde, une culture autour du jeu. Là, c'est exactement ça. Les enfants deviennent des créateurs de civilisation. 2 ou 3 enfants qui commencent à jouer ensemble, ça devient des créateurs de civilisation, parce que finalement, une civilisation, en dernière analyse, c'est jamais que une société, un regroupement d'humains qui accepte certaines valeurs ou certaines règles en commun. Là, ils donnent des règles en commun et ils comprennent en plus que ces règles-là sont la condition pour qu'ils construisent leur liberté et que c'est bien grâce à ça que leur liberté propre va se continuer dans celle des autres, comme disait Bakounine. Bon. Évidemment, le seul problème que rencontrent les enfants et qu'ils comprennent très très vite, c'est que leur civilisation qu'ils sont en train de créer à travers le jeu, c'est une civilisation qui a un usage extrêmement local, bien sûr, et puis surtout, mais encore ça, c'est pas très très grave, mais là où c'est très embêtant, c'est que c'est une civilisation qui est extrêmement temporaire. Elle est temporaire, d'abord parce qu'ils grandissent, et donc ils vont s'affronter à l'école, qu'ils vont s'affronter aux jouets, qu'ils vont s'affronter à tout ce que les adultes vont leur balancer comme concept, du style autorité, respect, politesse, etc. Ce qui ne veut pas dire que l'autorité, le respect et la politesse soient forcément des entraves, ça dépend comment est-ce que c'est présenté aux enfants, etc. Mais en tout cas, on demande aux enfants, finalement, de bien se rendre compte que c'est très temporaire, d'ailleurs c'est pour ça que ça se voit d'ailleurs très très concrètement, les périodes de jeu vont devoir diminuer, et puis du coup, c'est aussi ça qui va permettre le passage à ce qu'on appelle l'âge de raison, donc il faut qu'ils deviennent responsables. Ils deviennent responsables, en fait, le jour où ils sont mutilés. C'est-à-dire que les adultes, si les adultes, alors là, plus au sens du départ, vous voyez que j'arrête pas de changer de sens, mais c'est fait exprès, c'est pas pour vous perdre, c'est simplement parce qu'il est difficile de prendre les mots enfant et adulte toujours avec le même sens. Donc au départ, j'ai bien commencé par un sens strict, et puis là, maintenant, j'évolue, c'est fait exprès. L'enfant, il devient responsable en délaissant tout jeu de vivre, et en délaissant tout jeu de vivre, en fait, c'est donc l'adulte qui apparaît en lui. Mais au lieu de dire que l'adulte, c'est un enfant abouti, on ferait mieux de dire que l'adulte est un enfant mutilé. C'est ça la définition qui serait la plus juste. Et donc, quand on a un enfant mutilé, évidemment, il n'y a pas grand-chose qui nous reste. Et il nous reste notamment que des ersatz de culture à manger, et c'est bien ce qui se passe dans la vie actuelle. Donc, les civilisations humaines, elles s'édifient sur la base de valeurs destructrices. Donc là, c'est pas la meilleure de lire, parce que ce matin, on en a eu Ça s'édifie donc sur la base de valeurs destructrices. Les individus doivent être profilés, c'est ce qu'explique Matelard et Vitalis dans un bouquin qui s'appelle « Le profilage des populations ». Ça, c'est pas la peine d'insister parce que ces deux points sont très connus. Et du coup, j'en arrive à la question du numérique. Parce que finalement, comment faire pour parler du numérique et de la culture numérique par rapport aux enfants? Moi, je trouve que c'est pas si évident que ça. D'abord, le premier problème, pour moi, enfin, pour moi, c'est un vrai problème, parce qu'ils publient pas mal de bouquins sur le numérique. J'en ai publié un moi-même au bord de l'eau, grâce, je les remercie, au collectif Illusio, n'est-ce pas, le mois prochain. Et le premier problème qui se pose, c'est qu'en général, on critique le numérique au nom de la culture d'avant. Et ça, moi, je m'inscris quand même sérieusement en faux contre ça. Parce que quand j'entends les gens qui nous disent que le papier sent bon, l'encre, que la typographie est belle, et puis qu'on a bien le contact sensuel avec le papier, moi ça fait 30 ans que je bosse dans l'édition, ça fait quand même un moment que le papier c'est de la merde, que la typographie n'y connaissait rien du tout. J'ai été correcteur pendant 10 ans, c'est impressionnant, je pourrais vous raconter une suite d'anecdotes inouïes, quoi. Inouïes, depuis les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire qu'il y a une lettrine et qui ne savent pas non plus mesurer, parce que c'est des points pica, etc. Enfin, c'est impressionnant. Il faut quand même arrêter de nous dire que les livres sont bien imprimés sur du beau papier. C'est totalement faux. C'est totalement faux. Donc, on ne peut pas regretter la culture d'avant. En plus, le livre, au départ, quand le livre imprimé au moment de la Renaissance, c'est quand même d'abord un outil d'abêtissement, puis d'abrutissement. Parce que c'est quand même les catholiques qui essayent de publier des bouquins pour tuer les protestants, et les protestants qui publient des bouquins pour convaincre qu'ils puissent tuer les catholiques. Bon, bref. Donc la critique que je vais esquisser ici, elle ne se fait absolument pas au nom de la culture du livre. Mais vraiment, absolument pas. La culture du livre, je ne sais pas si elle est morte ou si elle n'est pas morte, je pense qu'elle n'est pas morte en réalité. Mais de toute façon, c'est absolument pas au nom de ça, parce que je pense que le livre n'a vraiment pas que du bon. En plus, le livre, ça a quand même été la culture écrite, les cultures écrites ont tué les cultures orales, etc. Bref, je n'insiste pas là-dessus. Apparaître le mois prochain. Et vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Ah oui, mais ça, il y a quand même beaucoup d'autres points qui sont développés. Donc, la question est de savoir, je vais essayer de terminer à 4 pour qu'on puisse faire la question est de savoir si la culture numérique, finalement, c'est ça le problème qui est sous-jacent dans l'intitulé, hein, de l'expansion du big data à la disparition du jeu de vie, parce que là, c'est quand même assez catastrophiste comme formulation. Et puis après, moi, je me retrouve avec enfance et culture numérique. Donc, la question est très nettement de savoir si la culture numérique, elle est plus dangereuse pour l'enfance que les cultures qui l'ont précédée. Alors déjà, je suis parti de quelque chose qui est très très simple, c'est que les cultures qui ont précédé la culture numérique, c'est des cultures industrielles, très souvent. Parce que là, on ne va pas parler des parents, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce que transmet chaque parent, etc. C'est une discussion qui n'aura strictement aucun sens. C'est une discussion qui n'aura aucun sens, ou alors qu'on peut régler très facilement. Il est bien évident qu'il y a des gens qui ont transmis des choses intéressantes à leurs enfants. La preuve, c'est que nous, on est là. Ça ne veut pas dire que nos parents nous ont transmis des choses intéressantes. Pas du tout. Enfin, en tout cas, pour les gens, ils ne m'ont rien transmis d'intéressant du tout. Et la seule chose, c'est que ce qui s'est passé, c'est que dans la vie qu'on a vécue, il s'est passé qu'à un moment donné, il y a eu une prise de conscience par quelque chose qu'on aurait du mal à définir, sans doute. Adam Smith, il parle de la main invisible du marché. Donc, sans doute qu'il ne savait pas exactement qu'est-ce qu'il faisait que le marché fonctionnait comme ça. Jean-Pélévi, je disais, Ronan tout à l'heure, a dit autre chose. Je me suis un peu scuté parce que voilà. En tout cas, il y a un je ne sais quoi qui se passe qui fait qu'il y a toujours des gens qui sont à la marge et puis qui arrivent à critiquer ce qui se passe dans la majorité. Bon. Donc, la culture numérique, est-ce qu'elle est plus dangereuse, est-ce qu'elle est davantage dangereuse que les cultures industrielles qui l'ont précédée? Alors d'abord, il faut essayer de trouver des points objectifs. Y en a quand même quelques-uns. Sans doute, un des premiers trucs qui est assez étonnant, c'est le fait que les matériels numériques ils sont très intuitifs. Le fait que les matériels numériques soient très intuitifs, je pense que ça, c'est un point alors là, absolument fondamental. Ça veut dire qu'un gamin, vous filez un iPhone à un gamin de 2 ans, il y a un iPhone, hein, il va jouer avec l'iPhone. Et bon, des exemples comme ça, il y en a plein. Moi, j'ai pas d'iPhone, j'ai pas de téléphone portable. Puis j'ai vraiment plus d'enfants de 2 ans d'ailleurs, ils sont beaucoup plus grands maintenant. Mais en tout cas, le nombre d'exemples qu'on entend un gamin de 2 ans joue avec un iPhone. Bon. Après, quand on lit ce que racontait Steve Jobs, on voit bien qu'effectivement, c'était pensé comme ça. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut donc dire que le gamin, il rentre dès l'âge de 2 ans directement dans l'univers des adultes. C'est quand même pas tout à fait pareil. Alors on peut toujours dire que empiler des cubes, c'est devenir plus tard un architecte et tout. Là, on voit bien que c'est quand même un peu exagéré. C'est un peu exagéré. On met des cubes les uns sur les autres parce qu'on est en train d'apprendre l'équilibre. Alors que, donc, on ne va pas devenir après un architecte qui va construire la tour Montparnasse ou je sais pas quoi. Alors qu'avec un iPhone, jouer avec un iPhone à 2 ans, ça veut donc dire qu'on rentre dans un univers qui est proprement un univers adulte. Qui est non seulement un univers adulte, mais qui en plus est un univers narcissique. Je rappelle quand même que ça s'appelle iPhone, iPod, iPad, c'est que le i, il y a quand même un genou sur i jeu, et puis le i de l'internet. En tout cas, tout ce que raconte Steve Jobs à cet égard est sans aucune ambiguïté. Alors, du coup, évidemment, c'est sûr que rentrer directement dans un univers comme ça, dès qu'on a 2 ans, et en plus, durant des heures entières, parce que là aussi, il y a un truc, c'est que ça dure des heures entières à cause de plein de procédés de fascination, que d'ailleurs les neurophysiologues discutent encore, donc je n'aurai pas la prétention de m'insérer dans ce débat, parce que ça a l'air assez compliqué comme débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gamins, ils se retrouvent seuls avec des écrans pendant plusieurs heures par jour. Il est évident que si ça les aide à grandir, ça les aide uniquement à aller vers le stade d'adulte, donc aller vers leur propre mutilation. C'est le cas, c'est ça. Je ne veux pas dire que ça les fait régresser, parce qu'on pourrait trouver tout un tas d'éléments qui diraient, mais non, justement, c'est bien ça, etc. On peut discuter de la... Mais il est bien évident que c'est une mutilation, en réalité. On ne peut pas dire que c'est une régression dans la mesure où l'immense majorité des gens trouvent que c'est ça le but de la vie. Alors on ne peut pas être 1% ou 2%, même 5%, à dire que c'est qu'une mutilation. C'est ça le problème. D'accord. Dans les autres éléments qui sont... l'autre élément qui est fondamental, parce qu'après il y en a sans doute d'autres, mais j'ai essayé de chercher ceux qui étaient les plus fondamentaux, parce qu'après je ne doute pas que vous pouvez en ajouter chacun de votre côté. C'est sur l'histoire de la virtualité. Mais il faut prendre virtuel, là, pas au sens d'Aristote, hein, donc c'est pas un univers virtuel en puissance dans lequel rentrent les gamins, c'est un univers virtuel au sens de Second Life. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans un autre monde, Second Life. Second Life, vous savez que c'était dans les années 2000, maintenant ça existe toujours, mais ça a quand même un petit peu baissé, hein, c'est vraiment un plaisir. En tout cas, ils rentrent dans une Second Life qui va devenir, ce que d'ailleurs revendiquait Second Life ouvertement, hein, qui va devenir une vraie vie. Et remarquez bien qu'on ne peut pas dire que Second Life, c'est de la merde parce que c'est virtuel. C'est faux. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que le problème, c'est que dans Second Life, dans Second Life, par exemple, c'est un endroit où on peut transgresser des tabous sexuels. Bon, on peut faire tout un tas de théories pour dire qu'il faut mieux transgresser un tabou sexuel sur Second Life qu'en allant violer une gamine de 3 ans à la sortie de la maternelle. Bon, pourquoi pas. Mais par exemple, en Second Life, il y a des gens qui ont gagné des vrais dollars en revendant des maisons virtuelles qu'ils avaient construites sur Second Life ou en revendant des vêtements virtuels qu'ils avaient construits sur Second Life. Donc, le rapport entre les deux, sans compter que si vous recevez un email, alors là, c'est pas Second Life, mais si vous recevez un email sur écran, l'email il peut vous faire du bien comme il peut vous faire du mal. Donc, l'email, on va le qualifier de virtuel, mais ça empêche que le bien ou le mal que vous aurez ressenti sera bel et bien réel. Donc là, il y a un problème parce que ça veut dire que le gamin, dès le plus jeune âge, pas forcément 2 ans, ça peut être 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, la limite qu'il devrait être capable d'opérer entre l'univers virtuel et la vie réelle, on n'ose plus dire la vie réelle, la vie concrète, ou hors ligne. Hors ligne, enfin, on peut trouver tout un. Effectivement. Enfin, toute cette limite, elle disparaît. Si on prend l'éducation nationale, dans l'éducation nationale, et notamment dans la toute dernière réforme, parce qu'après, la question qu'on peut se poser, c'est aussi, est-ce que c'est pas une vision qui est trop intellectualisée et qui n'a rien à voir finalement avec la réalité? La réalité, il se traduirait d'autres choses. Ben, si vous intéressez à la dernière réforme de la ministresse, là aussi, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est qu'il faut barrer les seuils. Il faut barrer les seuils. Donc les gamins, quand ils vont arriver au collège, il va y avoir un temps d'accueil. C'est quand même assez phénoménal. Il ne faut surtout pas que ces pauvres malheureux aient directement un cours de maths ou un cours de français. Donc il faut qu'il y ait un temps d'accueil. Quand on voit les temps d'accueil qui ont été montrés à la télé sur Internet, parce que je ne pas la télé non plus. Donc voilà, j'ai vu des reportages qui étaient podcastés, donc en, français correct. Donc, on voit que les gamins, pendant une demi-heure, ils discutent. Alors, ils ont leur portable, ils peuvent aller sur le portable. Ils ont du Nutella. Ils ont du Nutella, mais c'est produit par la... Par la ministresse, hein, c'est assez étonnant. Alors, je ne dis pas que la ministresse, elle a des actions chez Nutella. Mais en tout cas, voilà, il faut qu'ils aient un temps d'accueil. Donc, on barre le seuil, ce qui est assez étonnant. Parce que quand même, les ethnologues ont prouvé que les rites de passage, notamment, et puis toutes les questions de seuil, étaient quelque chose d'absolument phénoménal, enfin, dans l'importance de la construction du sujet. Et là, on barre les seuils. On barre totalement les seuils. On les aplanit, mais rien, ce qui est plus rien. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça, c'est le numérique, hein, toutes les critiques que j'ai portées là... Et là, il y a 4 heures, toutes les critiques que j'ai portées là, elles semblent être dirigées contre le numérique, mais pas seulement. J'ai pensé à Neil, avec ses livres aux enfants de Sommerville. Dans Neil, les livres aux enfants de Sommerville, qui a priori sont encensés par tout le monde et par tout ce qui se situe, soi-disant, dans une perspective émancipatrice, etc. À un moment donné, il y a une phrase qui dit « Le père et le fils sont des copains ». C'est Neil qui écrit ça. Le père et le fils sont des copains. Non, le père et le fils ne sont pas des copains, tout simplement. Et c'est pas parce que lui, il veut bien essayer. C'est assez rigolo d'ailleurs que Neil dise ça, parce que Neil, lui, il a des enfants, il recevait des enfants à Sommerville, où précisément le père et le fils n'étaient pas des copains. Bon. Mais il s'imaginait qu'à partir de ces enfants qu'il recevait, il allait transformer le père en copain du fils. Mais non seulement c'est complètement débile, mais en plus c'est extrêmement négatif pour la construction de l'enfant. C'est pas ça qui va l'aider à se construire. Il ne s'agit pas de faire un père qui soit une espèce d'horreur qui castre l'enfant, etc. Il s'agit simplement que le père n'est pas copain avec le fils. C'est une autre relation, c'est tout. C'est une autre relation. Donc, en conclusion, parce que pour qu'on ait du temps pour le débat, en conclusion, moi, je trouve que la conclusion qu'on peut en tirer, j'ai mis qu'elle était simple, là, j'ai écrit que c'était simple. Et pour moi, la conclusion, c'est la suivante. Ça, peut-être, je ne sais pas si vous surprendre ou pas, voilà, voilà. Je trouve que même ce qui est mal pensé fonctionne. Et c'est une conclusion qui pose quand même, évidemment, des problèmes. Même ce qui est mal pensé fonctionne. Là, par exemple, le système dont depuis ce matin, on est en train de détailler les tares, c'est quand même un système qui est aliénant. C'est un système qui est aliénant, oui, d'accord, mais il fonctionne. Et la grande réussite de la méga-machine, dont Guillaume Cardinaux nous a expliqué une partie de la Constitution, hein, puis en plus, on pourrait la faire remonter à l'an, enfin, c'est tout un tas de choses, on pourrait voir que c'est un processus qui n'est pas fini. Voilà. En tout cas, la méga-machine, elle fonctionne malgré les pollutions, malgré les guerres, malgré tout ce dont a parlé Patrick Vassor ce matin. Armut Rosa, dans Accélération, il dénonce à juste titre l'accélération du temps social. Donc là, il y a eu un basculement qui s'est produit, pour moi, un basculement qui est absolument fondamental, et ça rejoint et ça complète ce que disait René David juste avant. Le basculement fondamental, pour moi, par rapport au numérique, c'est pas tant... l'apparition de l'ordinateur, l'apparition de la cybernétique, l'apparition de tout ça, ou même l'apparition du web. Pour moi, le basculement qui est absolument fondamental dans notre culture, ou en tout cas dans ce que nous propose le système, c'est le fait que, d'un seul coup, à la fin des années 90 et puis au début des années 2000, on paye très très peu d'argent pour un usage illimité du web. Tant qu'il fallait payer 30 ou 40 francs pour 3 heures d'internet par mois ou par semaine, c'était assez cher. Je ne sais pas ceux d'entre vous qui sont nés avant, enfin qui sont nés dans les années 70 ou plus tard, ils se souviennent qu'au début, si on voulait aller sur internet, ça coûtait vachement cher, c'était compté en 2 ou 3 heures. À ma connaissance, je crois que la première boîte qui a proposé internet illimité, c'est AOL, America Online. Ça, c'était illimité, ça coûtait cher à l'époque. Là, les prix se sont effondrés, et là, on peut y aller absolument tout le temps. C'est là qu'il y a un basculement. Parce que d'un seul coup, la vie virtuelle, elle devient, comme la vie réelle, constante. On peut être constamment dans sa vie virtuelle. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, l'enfance, tout ça, ça n'empêche pas que les enfants grandissent. Ça n'empêche pas que la méga-machine fonctionne et qu'elle est même très bien, en réalité. Elle va très bien. Goldman Sachs a pu virer les Man Brothers, finalement, sans trop de casse, contrairement à ce que toute l'ultra-gauche s'est empressée de publier. Tiens que d'un bouquin de Paul Matip Junior qui s'appelait Le jour de l'addition, qui a été publié par l'Insomniac. Alors moi je vais écrire Paul Matip, puis je dis mais vous êtes certain que c'est le jour de l'addition? Parce que lui, pour lui, c'était clair que la disparition des Man Brothers et puis la crise des subprimes, ça signait la fin du capitalisme. Et il m'a donc c'est une publication personnelle, mais 3 ou 4 mois après qu'il ait publié son bouquin, enfin, après que le bouquin soit sorti en France chez l'Insomniac, il dit non, c'est évident que je me suis trompé. Ah oui, ça c'est sûr. Ça c'est évident que c'est trompé. C'était pas le jour de l'édition, ni 2008, ni 2009. Donc ce qui se passe, c'est que finalement, France Actuelle, elle a beau être aux prises avec une culture numérique aliénante, elle produira de toute façon des générations dites adultes. Donc je pense que, finalement, je vais conclure avec ça, que le rôle de la pensée critique dans un tel contexte unidimensionnel, au sens de Marx, pour le coup, parce que là, on est vraiment plein là-dedans, quoi, une société qui récupère la contestation qu'elle produit, finalement, qui est produit contre elle, c'est notre rôle, c'est donc au minimum de faire vivre les marges depuis lesquelles s'élabore la pensée émancipatrice. Moi, je ne suis pas sûr du tout que les marges depuis lesquelles s'élabore aujourd'hui la pensée émancipatrice, elles se trouvent là où elles se trouvaient dans les années 60-70. C'est-à-dire que dans les années 60-70, c'était peut-être à l'université de Vincennes, c'était peut-être au Lanzo, moi j'étais au Lanzo, là il y avait une sacrée bande de contestataires, elle était dans tout un tas de cercles comme ça. Moi, je me demande si elle n'est pas au maximum... Enfin, massivement, là, on peut vraiment la trouver. Je me demande si elle n'est pas au maximum jusqu'au collège. Après, c'est fini. Les expériences que j'ai dans les lycées professionnels, des trucs, mais calamiteux. Dans les lycées généraux, c'est calamiteux, parce qu'on se demande s'ils pensent. C'est grave. Alors qu'au collège, on voit encore des gens qui pensent. Et du coup, par un retournement, une petite pirouette dialectique à 4h05, là, finalement, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, parce que ça veut dire que si on pense, tant qu'on n'est pas mutilé, et que de toute façon, il y a des gens qui continuent à faire des enfants, ça veut donc dire qu'ils continuent à ce qu'il apparaisse constamment des êtres humains non mutilés. Donc, eh bien, à nous tous. Voilà.